Chapitre 5e, les caractères. Balzac est un réaliste dans l'observation des choses et des faits matériels, trop souvent un romanesque dans l'invention des aventures. Dans la conception des caractères, il est l'un et l'autre. Les personnages de pure fantaisie, et de la fantaisie la plus puérile, heurtent dans ses ouvrages des personnages d'une vérité absolue et qui semblent sortir des mains de la nature. Il a Vautrin et il a Rastignac, il a Lady Dudley et il a Madame Hulot, il a Albert Savarus et il a Grandet. Cela fait un monde singulier. Des fantômes s'y promènent avec des êtres solides et même compacts. Ceux-ci sont plus nombreux que les autres, il n'est que juste de leur connaître, mais le mélange n'en est pas moins un peu bizarre. Dans une histoire pleine de personnages très vrais, un seul être factice et conventionnel suffit pour nous déconcerter. Dans La Cousine Bête, nous avons vu Madame Hulot, le baron Hulot, Crevel, la cousine bête, tous caractères d'une réalité et d'une netteté très frappantes. Et voici venir la petite Atala du faubourg Saint-Antoine, une fillette physiquement dépravée et absolument innocente, attendu qu'elle ignore tout, non seulement la distinction du bien et du mal, mais encore les institutions civiles, mariage, mairie, différence entre la femme légitime et l'autre. L'inconscience, soit. Mais l'ignorance des conditions sociales chez une petite Parisienne, c'est absolument de la fantaisie. C'est une jeune sauvage, et non une faubourienne que vous me présentez là. D'autant plus qu'elle n'est pas idiote. Elle est intelligente et fine, et elle a l'air d'avoir lu les journaux. Elle en a le style. Papa voulait, mais maman s'y est opposée. Je ne sais pourquoi, mais j'étais le sujet de disputes continuelles entre mon père et ma mère. Voilà des disparates qui accusent encore et font éclater la vraisemblance. Cette Atala n'existe pas. Il y a de ces défaillances et de ces écarts beaucoup trop souvent chez Balzac dans la conception des caractères. Maintenant, laissons résolument de côté ceux qui sont de pure convention et voyons comme il a conçu ceux qui sont solides et saisissables. Balzac avait un penchant, un vif penchant seulement, et l'on a tort de croire qu'il s'y enferme rigoureusement, comme dans un système, à considérer chaque homme comme poussé par une passion unique. Cela était conforme à sa philosophie qui est fataliste et surtout très commode comme procédé de simplification des caractères. J'ai montré les héros de George Sand se modifiant insensiblement au cours du récit. Figurez-vous l'excès contraire, vous avez la manière ordinaire de Balzac. Un homme est une passion servie par une intelligence et des organes et contrariée par les circonstances, rien de plus. Il a donné d'une façon très explicite la théorie de cette manière de voir dans une des conversations de son Vautrin. Ces gens-là chaussent une idée et n'en démordent pas. Ils n'ont soif que d'une certaine eau, puisée à une certaine fontaine et souvent croupie. Pour en boire, ils vendraient leurs femmes, leurs enfants, ils vendraient leur âme au diable. Pour les uns, cette fontaine, c'est le jeu, la bourse, une collection de tableaux ou d'insectes, la musique. Pour d'autres, c'est une femme qui sait leur cuisiner des friandises. Souvent, cette femme ne les aime pas du tout, les rudoie. Eh bien, nos farceurs ne se lassent pas et mettraient leur dernière couverture au Mont-de-Piété pour lui apporter leur dernier écu. Le père Goriot est un de ces gens-là. Le père Goriot est un de ces gens-là. Et à peu près tous les personnages de Balzac en sont aussi. Tous ont une passion, non seulement dominante, mais qui est eux tout entiers, qui les constitue. Pour Rubempré, c'est la vanité. Pour Rastignac, c'est l'ambition. Pour le baron Hulot, c'est la luxure. Pour Grandet, c'est l'avarice. Pour Goriot, c'est l'amour paternel. Pour Philippe Bridau, c'est l'instinct du pillard sans scrupule, l'énorme avidité du Verrès. Cette manière de concevoir les caractères a des avantages, des difficultés, des défauts. Le principal avantage, d'où naissent de réelles beautés, c'est que le personnage ainsi tracé est d'une netteté et d'un relief étonnant. Il n'a pas d'ombre. Il est aveuglant de lumière. Il reste à jamais dans l'esprit. Je disais de George Sand que ses romans sont délicieux à la lecture et flottants au souvenir. Ici, c'est le contraire. La lecture de Balzac est souvent rude. Mais je vois en ce moment le père Goriot comme s'il était un de mes amis, et beaucoup plus net. Car aucun de mes amis n'a un caractère d'une si rigoureuse simplicité. Un autre attrait, c'est une certaine impression de puissance que nous donnent les caractères ainsi formés. Nous aimons la force d'instinct, et la passion présentée ainsi est comme un élément de la nature, masse d'eau énorme ou fournaise ardente qui se développe, s'accroît, s'étend, inonde et écrase, ou incendie et dévore tout, invincible et inévitable, avec des déploiements incalculables d'énergie magnifique que nous considérons avec tremblement. C'est une très grande jouissance, une jouissance d'essence dramatique. Un des principaux ressorts du drame est la terreur. Balzac, que ce soit par Hulot ou par Grandet, produit très bien ce genre d'impression. Il y a des difficultés, et disons tout de suite qu'il les a vaincues le plus souvent. La principale difficulté, c'est qu'à procéder ainsi, ni l'imagination n'a un jeu libre, ni l'observation toute la matière à laquelle elle a droit. Il faut que l'imagination suive une ligne droite et inflexible, non seulement sans le moindre écart, mais sans aisance, inventant toujours comme dans le même sens et creusant de plus en plus le même trait. Il faut que l'observation elle-même, qui d'ordinaire ne doit être que scrupuleuse, ici soit avare, se surveille et se restreigne dans un être divers, complexe, riche de fortes et profondes réalités, ne regarde et ne note qu'un seul côté, qu'un seul aspect, l'essentiel, je le veux bien, mais un seul, négligeant de parti pris et laissant tomber tout le reste. Mais ce n'est plus du réalisme, non, et ici encore, Balzac est autre chose que ce qu'il prétend être, et ce qu'on a dit qu'il était. Comme par certains points il est romanesque à la façon d'Eugène Sue, par celui-ci il est classique comme les poètes dramatiques de notre XVIIe siècle, avec cette différence qu'il l'est beaucoup plus, simplificateur extrême, qui n'aurait pas admis la clémence d'Auguste, ni les hésitations de Néron, qui n'aurait pas fait Harpagon amoureux, mais qui conçoit tous ces personnages selon le modèle du jeune Horace, de Narcisse ou de Tartuffe. Le réalisme vrai consiste au contraire à ne jamais admettre qu'un homme soit une passion unique incarnée dans des organes, mais un jeu, et souvent un conflit, de passions diverses, qu'il faut peindre chacune avec sa valeur relative, ce qui, à la vérité, n'est pas aisé. Il fallait, pour remédier à ces inconvénients, ou de son système ou de sa nature, une force double d'imagination, et à défaut de largeur, une intensité double d'observation. Il a eu pleinement l'un et l'autre. Si ces hommes ne sont pas des êtres dont nous puissions faire le tour, du moins, ils sont éclairés d'une lumière si pénétrante que du côté de leur personne qui nous est présentée, nous voyons tous les détails avec une incroyable netteté. Cette observation est si exacte et si puissante qu'elle n'avait pas besoin d'un homme tout entier pour nous donner une image qui paraît complète, tant elle est riche. De même, son imagination suit en effet la ligne droite tracée par son dessin et n'en dévie jamais, ce qu'on souhaiterait presque. Mais elle aussi a tant de force qu'elle n'a pas besoin d'être à l'aise. Travaillant toujours sur le même trait de caractère, la même passion, le même instinct ou la même manie, elle saura cependant toujours inventer de nouvelles paroles et de nouveaux actes qui seront les expressions de plus en plus fortes et frappantes de cet unique penchant. On s'y amuse même quand on lit en critique. On dit « Il n'est qu'à la moitié de son volume. La passion qu'il me décrit m'est pleinement connue déjà. » Et je suis sûr que son personnage ne déviera pas d'une ligne jusqu'à la fin. Quel nouveau trait plus énergique trouvera-t-il? Il les trouve toujours, et vous arrache des cris de surprise et d'admiration. Brideau trouvera le moyen d'être plus épouvantablement égoïste, Grandet plus fanatiquement cupide, Goriot plus monstrueusement dévoué. On dirait une gageure qu'il renouvelle toujours et gagne constamment. Cette manière de concevoir les caractères a pourtant des défauts, que Balzac ne pouvait pas éviter, quel que fût son génie, et que tout son génie ne pouvait réussir qu'à voiler. D'abord, il était condamné par sa philosophie des passions à ne peindre que les caractères les plus généraux. Pour qu'une passion soit tout un homme, il faut qu'elle soit grande. On peut admettre comme vraisemblable qu'un homme ne soit qu'ambition, parce que l'ambition est une passion très tyrannique, et qu'il y a des hommes, en effet, qui semblent au moins n'être pas autre chose, de la tête aux pieds, que des ambitieux. Mais on conçoit qu'une petite passion ou un petit penchant, si profondément qu'il soit étudié par vous, ne donnera jamais l'illusion d'un homme tout entier. Force est donc à Balzac de se borner à la peinture des grands caractères, comme on disait au XVIIe siècle, des types universels de l'humanité, le luxurieux, l'ambitieux, le vaniteux, l'avare, l'envieux, etc. Il recommence Molière. Il en a le droit. Les types généraux ne sont jamais épuisés parce qu'ils changent d'aspect selon les générations qui les regardent. On peut refaire Tartuffe tous les 50 ans à la condition d'avoir du génie, et Balzac en avait. Encore est-il que nous aimons bien de nos jours, après tant de peinture générale, l'étude des caractères particuliers, des âmes un peu singulières, ou tout au moins originales, des tempéraments complexes, explorés et analysés dans leurs nuances, leurs demi-teintes fuyantes et même leurs apparentes contradictions. Très souvent, dans Balzac, l'absence d'une Carmen, d'un Adolphe, ou seulement d'une Lucienne, la confession d'une jeune fille, se fait sentir. Ce qu'il y a au fond de ce regret, comme ce qu'il y a dans le plaisir que nous goûtons chez d'autres, c'est l'attrait du mystérieux. Il n'y a aucun mystère dans l'œuvre de Balzac. Nous sentons trop que nous allons tout droit devant nous. Nous sentons trop qu'une fois les données de son roman connues, nous le ferions tout seul. Il le fait mieux que nous ne le ferions. Voilà tout. Autre effet de la même cause. Les caractères élevés ou délicats sont toujours manqués. Il serait difficile qu'il en fût autrement. Si l'homme est une passion unique se développant fatalement, comme une force de la nature, il ne peut être qu'un maniaque ou un monstre. Un maniaque, si sa passion est vulgaire ou mesquine, goinfrerie ou démangeaison de collectionneur, un monstre, si sa passion est puissante et énorme, ambition, avarice, etc. Mais si sa passion est une passion noble, cela n'y fait rien si elle agit, elle aussi, comme une force fatale, si elle n'est combattue par rien dans le cœur du personnage. Notre homme sera un maniaque de vertu et non pas autre chose, le monstre de la paternité comme Goriot. Ce qui fait un caractère élevé en art, ce n'est pas une passion belle, c'est une belle passion qui triomphe des mauvaises. Ce n'est pas le développement organique, pour ainsi dire, la végétation d'un bon instinct dans un cœur, c'est la victoire de ce bon instinct. Achille n'est beau, cédant à Priam, que parce qu'il a envie de l'étrangler. Or, où il n'y a pas lutte, il ne peut y avoir de victoire. Mais Balzac ne croit pas à la lutte, puisqu'il croit à l'omnipotence d'une passion unique dans un cœur. C'est pour cela que même ces hommes vertueux ne sont pas de grandes âmes. Je n'ai rien à dire ici du libre arbitre humain au point de vue philosophique. Mais fût-il jamais délaissé comme doctrine, il resterait comme élément artistique indispensable. Il est le levain de toutes les œuvres d'art où l'humanité a une place. Dès que l'homme devient une chose, les choses intéressent plus que lui. Voulez-vous un exemple de cette impuissance où est Balzac à peindre le conflit des passions au cœur de l'homme? Il y a deux drames parallèles, très bien disposés du reste et concourant ensemble, dans le père Goriot. Il y a l'histoire de Goriot et l'histoire de Rastignac. L'histoire de Goriot, c'est bien une histoire à la Balzac, la peinture d'une passion fatale aboutissant à la démence. L'histoire de Rastignac est d'un ordre tout différent. Balzac y a voulu peindre une âme hésitante encore entre sa passion maîtresse, qui commence à l'envahir, l'ambition, et les scrupules d'honnêteté qu'il tient de son éducation. Il est clair que c'est ici qu'était le drame curieux, intéressant, inquiétant, en un mot, le drame. C'est la partie la plus pâle du roman. Le père Goriot, avec sa manie de dévouement et sa joie furieuse de sacrifice, rejette tout dans l'ombre. La lutte de Rastignac contre lui-même, quelques soins que Balzac ait mis à la peindre, quelques places matérielles qu'il lui ait données, disparaît. C'est qu'il n'a pas su la comprendre et la mettre en lumière. Son génie s'arrêtait là. Il n'était que le peintre énergique des forces simples. De là, sa supériorité dans les peintures de l'humanité moyenne ou basse, et pour tout dire, dans la description minutieuse des vulgarités. Dans ses œuvres les plus contestables, il se sauve par un bon portrait de maniaque, le malade imaginaire tyrannique, M. de Mortsauf, du Lys dans la vallée. De là son infériorité dans les quelques études d'hommes ou de femmes supérieures qu'il a tentées. De là, surtout, son échec absolu dans ses portraits de jeunes filles. Dans les caractères de jeunes filles, on peut mettre tout ce qu'on veut, me dit quelqu'un. C'est si compliqué que rien de ce qu'on y fait entrer n'est invraisemblable. Peut-être. Mais ce qui est invraisemblable, c'est de ne point les faire compliquer. Celles de Balzac sont simples, ternes, plates et un peu sottes. Eugénie Grandet, Ursule Mirouet, Modeste Mignon. Quand on les compare à la moindre paysanne de George Sand, à Fadette, Jeanne ou la Brulette, on saisit toute la différence. Balzac était un homme énergique et robuste. Il a bien peint les êtres humains qui ressemblent à des mascarets ou à des volcans, et dont les gestes sont des tremblements de terre. Il y en a qui sont ainsi, et sous la tranquillité apparente qu'impose le nivellement social, beaucoup plus qu'on ne croit. Mais il y en a d'autres,